les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Publiée en 1961, la pièce de Max Frisch, Andorra, contrairement à ce que son titre pourrait laisser entendre, n'a pas pour décor la principauté d'Andorre, mais un pays fictif, paisible, pacifique et, comme peut l'être d'ailleurs la principauté ou la confédération suisse, respectueux des droits et de la liberté de chacun jusqu'au moment où. Mais il est peut-être superflu d'en dire davantage, puisque dans l'archive qui va suivre, Michel Pollack faisait d'Andorra et de son auteur une présentation assez complète au moment de proposer aux auditeurs de France Culture un enregistrement de cette pièce réalisée au Théâtre de la Commune à Aubervilliers. C'était au mois de janvier 1965 et avec sa mise en scène d'Andorra, Gabriel Garand inaugurait le tout nouveau Théâtre d'Aubervilliers dont il avait pris la direction. C'est donc la première pièce qui fut jouée sur la scène de la Commune que nous allons entendre. Un moment important dans la vie du théâtre, vers lequel nous allons être téléportés pour y rejoindre Michel Pollack. Ici et là, au cours de la représentation, nous l'entendrons décrire à voix basse pour ses auditeurs ce qui se passait sur scène, un peu à la manière dont le fait un reporter au bord d'un court de tennis. Andorra de Max Frisch, mise en scène par Gabriel Garand au Théâtre de la Commune à Aubervilliers, une émission diffusée la première fois le 24 janvier 1965 sur France Culture. Nous entendons si souvent parler de conseils municipaux qui songent à détruire des monuments anciens pour faire des parkings, à d'autres qui refusent à des animateurs célèbres de soutenir leurs efforts, qu'il faut féliciter chaleureusement la ville d'Aubervilliers. En effet, elle a permis de construire un magnifique théâtre et elle a confié cet outil moderne, conçu par le décorateur René Alliot, à un animateur courageux, Gabriel Garand. Le Théâtre de la Commune d'Aubervilliers est inauguré cette semaine. Nous vous invitons donc à participer à une représentation réservée aux privilégiés, celle des générales. Par ailleurs, le spectacle étant fort long, nous abrégerons notre présentation, mais vous pourrez écouter Gabriel Garand ce soir sur France Inter dans Le Masque et la Plume après la tribune des critiques, c'est-à-dire vers 22h40. Pour ce premier spectacle du Théâtre de la Commune, Gabriel Garand a choisi une pièce de l'auteur suisse-allemand Max Frisch, dont on a pu voir Biedermann et les Incendiaires montée avec succès par Jean-Marie Serrault. Architecte, ami de Bertolt Brecht, Frisch est venu tard à la littérature. Ses romans, très remarquables, sont malheureusement épuisés en France, c'est-à-dire Homo Faber, Stella, mais cette année a paru J'adore ce qui me brûle, et c'est un livre que l'on peut recommander. Andorra est une des pièces les plus fortes qu'il était donné de voir cet an dernier sur le racisme. Frisch démonte le mécanisme rigoureux qui fait d'un homme comme les autres un juif, un métèque, un nègre, un bico, un jaune. Et son analyse est sans défaut. Le racisme joue ici comme le destin dans la tragédie antique. Et ce destin est totalement absurde puisqu'un coup de théâtre nous apprendra ce que l'on devine assez vite. Andri, le jeune héros, n'est pas ce que l'on croit. Mais il est trop tard, les autres ont fait de lui un juif. Juif, il le restera jusqu'à la mort, lorsque les Kazakhs noirs, mettons les SS, envahiront le pays. La pièce est très bien mise en scène par Gabriel Garand et la distribution est excellente. En premier lieu, Denis Manuel, qui incarne Andri, la victime des habitants de Andorra. Jacques Alric, son père adoptif, le maître d'école. Et Marie-Christine Barrault, Barbeline, la fille du maître d'école, dont Andri est amoureux. Le décor de Roger Accard représente la ville d'Andorra, une ville toute blanche que l'on peint au début du premier tableau puisqu'on la repeint chaque année pour la Saint-Georges. Un plateau tournant amène au centre de la scène les différents éléments symbolisant les lieux scéniques. L'auberge, la maison du maître d'école, une porte devant la chambre de Barbeline. À droite, face au public, une barre où chaque habitant de la ville viendra, entre chaque tableau, témoigner ou plutôt tenter de se disculper face au public. Ces dépositions rappellent hélas les mêmes déclarations de ces bourreaux indifférents d'Auschwitz et d'ailleurs que l'on juge encore aujourd'hui. Au lever du rideau, nous sommes devant la maison du maître d'école. Un soldat est assis sur un tambour et la fille du maître d'école, Barbeline, a un grand pinceau à la main et elle repeint en blanc la façade de la maison de son père. Si t'étais pas toujours en train de me regarder les mollets, Tu verrais bien ce que je fais là. Je relais du blanc parce que c'est demain la Saint-Georges, quand tu l'aurais oublié. Je remets du blanc sur la maison de mon père. Et vous, les soldats, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Vous traînez dans les rues, les deux pouces dans le ceinturon. À lorgner dans nos corsages quand on se baisse. J'ai un fiancé. Un fiancé? Voyez où ça? Cesse donc de rire comme un guignol. Il n'aurait pas une poitrine de vélo? Et pourquoi? Est-ce que tu peux pas le montrer? Laisse-moi tranquille. Ou alors il a les pieds plats. Pourquoi les pieds plats? En tout cas, il va jamais lancer avec toi. À moins que ce soit un ange du ciel. Après tout, je l'ai jamais vu. J'ai un fiancé. Et la bague? Où elle est? Je te dis que j'ai un fiancé. Et puis d'abord, tu me plais pas. Le décor a changé, nous sommes maintenant à l'auberge. Les joueurs sont attablés. Un vrai fléau, tous ces pourboires. Même pas le temps de remettre le porte-monnaie dans la poche. Alors encore là? J'ai quartier libre. Qu'est-ce que tu veux encore savoir? Qui c'est ton fiancé? Elles reblanchissent toute la maison de leur père parce que c'est demain la Saint-Georges. Et le corbac fait sa tournée parce que c'est demain la Saint-Georges. Blanchissez bien, vierge sage. Reblanchissez la maison de vos pères afin que nous ayons une odorat toute blanche. Oui, oui, vierge sage. Une odorat blanche comme neige. Le corbac? Qu'est-ce que c'est encore ce nom-là? Et toi? T'es vierge? Alors, je te plais pas? Non. Il y en a déjà beaucoup qui m'ont dit ça. Mais j'ai quand même fini par les avoir. Quand j'avais vraiment envie de leurs jambes. Et de leurs cheveux. Et de leur petite langue bien rose. Où elle est ta chambre? Le curé arrive à bicyclette. Voilà qui est bien, Barbeline. Voilà qui est vraiment très bien. Nous allons avoir une Andorra toute blanche. Oui, oui, oui, vierge sage, une Andorra blanche comme neige. Pourvu qu'il ne pleuve pas cette nuit. Ton père n'est pas chez lui? Pourvu qu'il ne pleuve pas cette nuit. Faut dire que son église est pas si blanche qu'elle voudrait s'en donner l'air. On s'en est aperçu. Faut dire qu'elle a que des murs de terre. C'est de la terre toute rouge. Et sitôt qu'il arrive une pluie, la peinture dégouline. Comme si on venait d'y saigner un cochon. La belle peinture toute blanche de leur église, blanche comme neige. Pourvu qu'il ne pleuve pas cette nuit. Qu'est-ce qu'il venait faire ici? C'est vrai, monsieur le curé, ce que les gens racontent? Ils disent qu'ils vont nous attaquer, les Kazakhs noirs de là-bas, parce qu'ils sont jaloux de nos maisons toutes blanches. Un matin, sur le coup de 4 heures, ils viendront avec 1000 tanks noirs qui rouleront à travers nos champs. Et ils descendront du ciel avec des parachutes comme un vol de sauterelles grises. Qui est-ce qui raconte ça? C'est Pyder. Le soldat, mon père n'est pas chez lui. J'aurais bien dû m'en douter. Pourquoi boit-il tellement ce temps dernier? Après cela, il injurie tout le monde. Il oublie qui il est. Et pourquoi raconte-t-il toujours des sottises pareilles? Je ne sais pas ce que mon père raconte quand il est à l'auberge. Mais il voit des choses qui ne sont pas. Est-ce que tout le monde chez nous n'a pas été scandalisé quand les Kazakhs noirs là-bas ont fait le massacre des innocents? Est-ce qu'en ce temps-là, on n'a pas ramassé des vêtements pour les réfugiés? Il dit que nous ne valons pas mieux que les Kazakhs noirs. Pourquoi dit-il cela tout le temps? Les gens prennent cela fort mal et je ne saurais m'en étonner. Et pourquoi croit-il tous les racontars que l'on débite à l'auberge? Personne ici ne persécute votre Andri. Mais jusqu'à présent, on ne lui a pas touché un seul cheveu de la tête. Je vois que tu prends tout à cœur. Tu n'es plus une enfant, tu travailles maintenant comme une grande fille. C'est que j'ai déjà 19 ans. Et pas encore de fiancée. Je compte que ce Pider n'a rien à espérer de toi. Non, vraiment rien. Cet homme a le regard malpropre. Il t'aura fait peur pour se rendre intéressant. Mais pourquoi nous attaquerait-il? Nos vallées sont étroites, nos champs dépendent pleines de cailloux, et nos olives pas plus juteuses qu'ailleurs. Qu'est-ce qu'il pourrait bien nous prendre? Et celui qui voudra notre seigle, il faudra qu'il aille le chercher avec la faucille, en se baissant un pas après l'autre. Andorra est un beau pays, mais c'est un pays pauvre. Un pays paisible, inoffensif. Un bon pays tranquille, aussi longtemps que nous servirons Dieu. Et nous le servons. N'est-il pas vrai, ma fille? N'est-il pas vrai, ma fille? Et s'il venait tout de même, monsieur le curé? Nous nous verrons demain, ma Pauline. En attendant, dis bien à ton père que Saint-Georges aimerait ne pas le voir ivre. Ou plutôt non, non. Ne lui dis rien, sinon il va se mettre à hurler. Mais tout de même, surveille-le un peu. S'il vient tout de même, monsieur le curé! C'est vrai, monsieur le curé, ce que les gens racontent? Quand les Kazakhs noirs seront là, celui qui sera juif, on ira le chercher tout de suite. On l'attachera contre un poteau, qu'ils disent, et on lui mettra une balle dans la nuque. Est-ce que c'est vrai? Ou bien est-ce que c'est une histoire qu'on raconte? Et celui qui aura une fiancée, on l'attendra comme un chien galeux. Qu'est-ce que tu racontes, là? Bonsoir. Bonsoir. Il fait beau ce soir, mais lourd. C'est vrai. Il y a quelque chose dans l'air. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un orage. Tout aurait besoin d'un bon coup de vent, les feuilles, les arbres, les rideaux, la poussière. Et avec ça, on ne voit même pas un nuage dans le ciel. Mais on le sent malgré tout. Calme où on cuit. Même les moustiques le sentent. Ouais. Je crois qu'il y a un orage dans l'air, un gros orage. Le pays en aurait tellement besoin. Le maître d'école est à l'auberge, attablé avec le menuisier pour discuter du contrat de son fils adoptif Andri. Andri est debout près du piano mécanique. C'est qu'il s'agit de mon fils. 50 livres. Enfin, mon fils adoptif. J'ai dit 50 livres. Faut que je m'en aille. Pourquoi justement menuisier? Devenir menuisier, ce n'est pas si simple quand on n'a pas ça dans le sang. Et d'où est-ce qu'il aurait ça dans le sang, hein? Pourquoi ne se met-il pas plutôt démarcheur? Enfin, je disais un exemple, pourquoi ne va-t-il pas à la bourse? Enfin, je voulais dire... Qui l'a planté là, ce poteau? Pas ce que vous voulez dire. Là. Eh ben, vous êtes tout pâle. Je vous parle du poteau. Je ne vois pas de poteau. Là. C'est un poteau, ce n'est pas un poteau. Et quel grand mal il y aurait si c'était un poteau? Hier, il n'y était pas. Bon, mais il n'y a pas de quoi rire, Pader. C'est fort bien ce que je veux dire. Ouais, vous voyez des choses qui ne sont pas. Oh, je n'ai pas trop bu. Je vois les choses qui sont, je dis ce que je vois, et ce que je vois, vous le voyez tous. Bon, faut que je m'en aille. 50 livres. C'est votre dernier mot? Aussi vrai que mon nom est Prader. 50 livres. Avec moi, pas de marchandage. Non, je sais, vous êtes un monsieur bien. Bradef s'est écorché le monde à 50 livres pour l'apprentissage. C'est insensé, et vous le savez fort bien. Je suis instituteur, moi. Je n'ai que mon traitement. Je n'ai pas les ressources d'un patron menuisier. Je n'ai pas les 50 livres. Je n'ai pas rien à faire. Eh ben, justement, rien à faire. Oui, on prend d'air. 50 livres. Ils seront bien étonnés quand je leur dirai la vérité. Je traînerai ce peuple devant un miroir et son rire gèlera dans la bouche. Que vous aviez ? Apporte ta main. Des ennuis. 50 livres pour l'apprentissage. J'ai entendu. Je les trouverai. Quand on n'a pas ça dans le sang. Ils verront un jour, eux, ce qu'ils ont dans le sang. Faut pas se fâcher contre les gens de son pays. Ça vous attaque la bile et c'est pas ça qui les changera. Mais bien sûr que c'est écorcher le monde. Andorra, les gens sont braves, mais je l'ai toujours dit, quand il s'agit d'argent, ils deviennent pires que les juifs. Qu'est-ce que vous en savez au juste, vous, des juifs ? Ben voyons, gars. Qu'est-ce que vous en savez au juste ? Mais j'ai rien contre ton garçon, qu'est-ce que tu vas t'imaginer ? C'est pas la peine de m'en garder de travers. Est-ce que je l'aurais pris pour aider à la cuisine ? J'ai des témoins. Est-ce que je n'ai pas toujours dit, en toutes circonstances, qu'Andry est une exception ? Ne parlons plus de ça. Une véritable exception. À Andorra, les gens sont braves. Quand il s'agit d'argent, ils deviennent pires que... Viens là. Connais-tu pas la procession ? Papa, tu m'avais promis de ne rien boire le jour de la Saint-Georges. Ils vont passer ici. Cinquante livres pour l'apprentissage. Balberine est en scène, elle s'agenouille au passage de la procession de Saint-Georges. En tête se tient l'idiot du village, le goupillon. Puis viennent les reliques qui sont portées par deux hommes. Les gens de la ville se découvrent au passage de la procession. Il y a l'aubergiste, un soldat, le kidam. Et dans la procession, le curé, le menuisier, la femme du maître d'école, l'apprenti menuisier, une jeune fille et des jeunes gens du pays. Voici Andry qui s'approche de Balberine. Balberine ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais être un menuisier ! Balberine s'est enfui. Andry est seul dans l'auberge. Cela est toujours une lumière verte pour les branches. Les cloches aujourd'hui sonnent aussi pour moi. Plus tard, je m'imaginerai toujours que j'ai sauté de joie en ce moment. Alors que je retire tout simplement mon tablier, sans même comprendre pourquoi je suis si calme. On voudrait jeter en l'air son nom comme une casquette. Et je reste là tout simplement en train de rouler mon tablier. C'est ça le bonheur. Je n'oublierai jamais comme je suis là en ce moment. Barbeline, on va se marier. Non. Il est plein comme une bourrique, et alors il me dit n'importe quoi. J'ai dit, dehors, je ne te servirai plus d'une goutte. Minute. Je suis militaire. On le voit bien. Je m'appelle Painer. On le sait bien. Eh ben alors. Ah non, je... Ah, c'est un corps. Ouais, ouais. Voyons, Painer. Un peu de bon sens. Quand une fille ne veut pas, eh bien, elle ne veut pas. Remets tes baguettes au ceinturon. Pense un peu à la bonne réputation de l'armée. Bande de foireux ! C'est pas la peine que je me batte pour eux. Non mais moi, je me battrai tout de même. Y'a pas de question ! Jusqu'au dernier, y'a pas de question ! Plutôt la mort que l'esclavage ! C'est pour ça, moi, je vous dis, je suis militaire, et j'ai l'œil sur elle. Où est ta sœur ? J'ai pas de sœur. Darbeline. Pourquoi ? J'ai quartier libre et l'œil sur elle. Passer comme ça sous le nez, là. Non mais... Je suis soldat, moi. Y'a pas de question. Et toi, t'es qu'un juif. Ou bien t'es pas juif, peut-être. Et toi, t'as de la laine. Comme qui dirait une veine du diable. Tous les juifs ont pas cette veine-là. C'est toi, tu sais te rendre sympathique. J'ai dit sympathique. À qui? À l'armée. Tu pues le schnapps. Tu dis? Rien. Alors je pue? Ah oui, pas, et contre le vent. Fais attention à ce que tu dis. Je sens rien. Il n'y a pas de quoi rire. Quand on est juif, il n'y a pas de quoi rire. Parce que quand on est juif, il y a intérêt à ce qu'on se rende sympathique. Pourquoi? Quand on a sa souris près de soi, et quand on est un vrai soldat, c'est beau d'être militaire. Dresser le piston, baisser le jupon. Prends pas tes airs de monsieur. Quand on a sa souris près de soi, et quand on est un vrai soldat. Les types de ton espèce, ça peut même pas faire un soldat. Je peux m'en aller maintenant. Monsieur Désir ! Je ne suis pas un monsieur. Tiens, ça, tu sais ce que c'est ? Bah quoi, c'est de l'argent ? C'est ma paye. Je vais être menuisier. Ouais ! Chien. Ces juifs, ça pense qu'à l'argent. Alors comme ça, tu veux pas te rendre sympathique ? Non. Vraiment pas question ? Non. Et nous, faudrait qu'on se batte pour des types de ton espèce. Jusqu'au dernier. Tu sais ce que ça veut dire ? Un bataillon contre 12 bataillons ! Ça, c'est du mathématique ! Plutôt la mort que l'esclavage ! Y a pas de question ! Mais pas pour toi ! Qu'est-ce qui ne fait pas de question ? Ah non, de rien, c'est pas un lâche ! Ils peuvent toujours tomber du ciel, avec leur parachute comme un vol de sauterelle. Passeront pas ! C'est vrai que je m'appelle Painer. Avec moi, il n'y a pas de question. Avec moi, jamais de la vie. Il va y avoir des spectacles. Pour qui? Avec moi, il n'y a pas de question. Et ça, vous l'avez entendu? Il vient dire que nous avons peur. Parce que c'est lui qui a peur. Nous ne nous battrons pas jusqu'au dernier. Nous serons vaincus. Non parce qu'ils sont les plus forts, mais nous foutrons le camp la queue basse en faisant dans nos frottes jusqu'à remplir nos bottes. Voilà ce que je veux dire. Je veux dire en face. À la face de l'armée. J'ai pas dit un mot. Et là, vous autres? Vous avez pas entendu? Ah non, Lorient n'a pas peur. Mais tu l'as déjà dit. Oui, mais toi, t'as peur. Parce que t'es un lâche. Pourquoi un lâche? Parce que t'es un juif. Bon. Et là, maintenant, je m'en vais. Pas du côté de Barbeline. Il en a les oreilles tout rouges. Barbeline est ma fiancée. C'est la vérité. Sa fiancée qu'il a dit. Elle te tournera le dos. Alors je la prendrai par derrière. Tu n'es qu'une brute. Une brute. Appête un peu. Comme il tremble. Répète un peu. Mais bien haut, que toute la place entende. Répète un peu. Andri n'a pas dit un mot et il est parti. Le soldat reste avec l'idiot du village qui le regarde, dodelinant de la tête. Qu'est-ce qu'il a dit? Une brute. Moi, une brute. Avec moi, dans tous les cas, il s'est pas rendu sympathique. Changement de décor, et maintenant l'aubergiste se tient face au public, comme à la barre du tribunal. Je reconnais, dans cette histoire, nous nous sommes tous trompés. En ce temps-là, bien sûr, j'ai cru ce que tout le monde a cru. Lui-même, il l'a cru jusqu'à la fin. Un enfant juif que notre instituteur avait sauvé des Kazakhs noirs, c'est ce qu'on avait toujours dit. Et nous, nous trouvions cela magnifique, qu'il se soit occupé de lui comme si c'était son propre fils. Moi, en tout cas, je trouvais ça magnifique. Ou bien c'est moi, peut-être, qui l'ai mené au poteau. Personne chez nous ne pouvait savoir qu'Andri était vraiment son fils. Je veux dire le fils de notre instituteur. Quand il aidait chez moi à la cuisine, est-ce que je l'ai maltraité? Ce n'est pas de ma faute si plus tard les choses ont tourné de cette façon. Tout ce que je puis dire après tout ce temps, ce n'est pas de ma faute. Nous sommes maintenant devant la chambre de Barbeline. Elle est allongée sur les genoux d'Andri. Non. Alors pourquoi ne m'embrasses-tu pas? Je ne dors pas. Je réfléchis. Tu ne fais que ça toute la nuit. Je me demande si c'est vrai ce que disent les autres. Penses-tu qu'ils ont raison? Mais peut-être qu'ils ont raison. Tu m'as toute décoiffée. Ils disent que les gens de mon espèce n'ont pas de sentiments. Qui est-ce qui dit ça? Beaucoup de gens. Regarde un peu ma blouse. Ils le disent tous. Tu veux que je l'enlève? Les gens de mon espèce, ils disent que ça aime le plaisir, mais que ça n'a pas de tendresse, tu comprends? Andri, tu réfléchis trop. Oh, je les aime. Tes cheveux fauves. Tes cheveux fous. Tes cheveux tièdes avec leur goût amer. Barbeline, je mourrais si je devais les perdre. Et toi? Pourquoi ne dors-tu pas? Qu'est-ce que c'était? C'était le chat. Mais puisque je te dis que je l'ai vu. C'était vraiment le chat? Mais puisque tout le monde dort, embrasse-moi. Qu'est-ce qui te fait rire? Il faut bien que j'aie de la reconnaissance. Je comprends pas de quoi tu parles. Je parle de ton père. C'est lui qui m'a sauvé. Si j'allais lui séduire sa fille, il trouverait que je n'ai pas de reconnaissance. Je ris, mais il n'y a pas de quoi rire. Alors, sous prétexte qu'on est resté vivant, il faut continuellement avoir de la reconnaissance. Et c'est pour ça, probablement, que je ne suis pas plus gai. Tu es bien sûr, Barbeline, que tu veux de moi? Et pourquoi me poses-tu toujours la même question? Les autres sont plus gais que moi. Les autres. Toujours les autres. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que je suis un lâche. Sans quoi j'irai lui dire une bonne fois à ton vieux que nous sommes fiancés. Non. Toi, Barbeline. Est-ce que tu me trouves lâche? Et voilà qui recommence à brailler. Je ne bouge plus de la maison. Pour qu'elle me laisse tous tranquilles. Andri, je pense à toi toute la journée, quand tu es à ton travail. Et maintenant que tu es là et que nous sommes seuls, je veux que tu penses à moi, Andri, et pas aux autres. Tu m'écoutes? Rien qu'à moi. Rien qu'à nous, Andri. Et je veux que tu te sentes fière, que tu te sentes joyeux et fier, puisque je t'ai préféré à tous les autres. Et quand je me sens fière, j'ai peur. Attends, embrasse-moi. Oh. Embrasse-moi encore. Oh, mon Andri, je ne pense pas aux autres quand tu me prends dans tes bras et que tu m'embrasses. Tu peux me croire? Je ne pense pas à eux. Moi, j'y pense. Oh, toi, toujours les autres. Il m'a encore fait un croche-pied. Je comprends pas en quoi je suis autrement que les autres. Explique-moi en quoi, je comprends pas. Tiens. 3 heures, une fois de plus. Il faut dormir. Oh, je t'ennuie, hein. Tu peux dormir tranquillement, je te réveillerai à 7 heures. Non, c'est pas de la superstition. Mais ça existe réellement des êtres qui sont maudits. Avec eux, on a bon faire, ils te regardent et ça suffit. Bruce, comment tu deviens ce qu'ils disent? Mais c'est ça, là. Tout le monde l'a en soi, et personne n'en veut. Alors où irait-il? En l'air? Il y est en l'air, il n'y reste jamais longtemps. Il lui faut quelqu'un pour qu'il y entre, pour que les autres puissent un jour mettre la main dessus et le tuer. Tu connais un soldat qui s'appelle Pyder? Il a l'œil sur toi? Oh, celui-là. Je croyais que tu dormais déjà. Mon nom est Prader. Ma profession, menuisier. Je reconnais, l'histoire des 50 livres pour l'apprentissage, c'était parce que je ne tenais pas à la voir dans mon atelier. Je savais bien que ça ne me ferait que des ennuis. Pourquoi, au fond, ne voulait-il pas être vendeur? Je pensais, moi, que ça lui conviendrait. Personne ne pouvait savoir que ce n'en était pas un. Tout ce que je peux dire, c'est que dans le fond, ce que j'ai fait, c'était pour son bien. Ce n'est pas de ma faute si, plus tard, les choses ont tourné de cette façon. Nous sommes maintenant dans l'atelier de menuiserie. Il y a 2 chaises neuves au milieu de la scène. Voici Andri et le chef des jeunes menuisiers. Oh, ça m'est déjà arrivé de jouer comme ailier gauche quand personne d'autre ne voulait. Bien sûr, j'accepte. Si votre équipe veut de moi. T'as des chaussures de foot? Ah non. Ah, il va t'en falloir une paire, hein? Mais ça coûte combien, des chaussures de foot? J'en ai une vieille. Je te la vends. Ah, naturellement, il te faudra aussi des culottes noires. Et puis, un maillot, c'est normal. Et puis, des chaussettes jaunes aussi, naturellement. Bon, tu sais, je suis meilleur comme ailier droit, mais si c'est un ailier gauche qu'il vous faut, j'arriverai bien à rentrer un corner. Bon, ça sera formidable, Freddy, si ça marche. Et pourquoi ça marcherait pas? Eh ben, ça sera formidable. C'est moi le capitaine. Et t'es mon copain. Je vais m'entraîner. Ah oui, mais te frotte pas les mains, toujours comme ça. Tu vas faire rigoler les tribunes, là. T'as des cigarettes? Allez, au revoir. Oh, mais moi, il me dira rien. Ou alors je fais un vacarme, il saura plus où se mettre. Tu l'as déjà entendu m'engueuler une seule fois? Oh, c'est formidable, Freddy, que tu sois mon copain. C'est ta première chaise, hein? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bon. Oh, rien à faire pour les arracher. C'est comme ça qu'il fait, toujours. Eh ben, c'est. Répondez à ces messieurs que mon nom est Prader. Te voilà qui arrive. Toi, t'as de la chance, hein. Mais, pour de la vraie chaise, viendrait avec la mortelle. Mais comment j'ai de la chance? Où y a pas de colle, ça peut pas se décoller. Une chaise de chez Prader, c'est de l'incassable, même les enfants le savent. Une chaise de chez Prader, c'est du travail Prader. Et puis d'abord, ce qui est payé est payé. En un mot, comme on dit, ça avec moi, pas de marchandage. Eh ben quoi, c'est dimanche? Qui est-ce qui vient encore de fumer? Comme si je ne le sentais pas. Si seulement tu avais un peu de franchise. C'est aujourd'hui samedi. Quoi, pas le rapport? Mon épreuve d'apprenti. Vous aviez dit le dernier samedi de ce mois-ci. La voilà, ma première chaise. Mais non, pas celle-ci, patron. Celle-ci! Devenir menuisier, ce n'est pas si simple quand on n'a pas ça dans le sang. Non, ce n'est pas si simple. Je l'ai tout de suite dit à ton père, pourquoi ne te mets-tu pas plutôt vendeur? Vois-tu, mon gars, quand on n'a pas poussé sur la même terre que le bois, la même terre que notre bois, eh bien, chantez monts et merveilles de vos cèdres du Liban, mais ici, mon gars, on travaille dans le chêne andorien. C'est du hêtre. Tu crois que j'ai besoin de tel sang? Je croyais que vous disiez ça pour voir. Ah non, mais c'est pas la mienne, patron. Et voilà! Qu'est-ce que je disais? De la pâte de grenouille! De la vraie pâte de grenouille! Tu voudrais qu'on vende une camelote pareille? Garde-moi ça. Mais vous vous trompez de chaise, patron. Celle-là, tiens. Ça, c'est de la chaise. 100 kilos que j'ai à trimballer. Foutu cadeau que m'a fait le bon Dieu. Eh bien, une chaise solide ne grince pas et ne branle pas. Celle-là, elle branle? Non. Elle grince? Non. Eh ben, tu vois. C'est la mienne. Alors, qui est-ce qui aurait fabriqué cette camelote? Oh, mais... Je vous l'avais dit tout de suite, c'est... Freddy! Freddy! Ah, je le savais bien qu'avec toi, je n'aurais que des ennuis. J'avais bien prévu. Freddy, tu es menuisier, oui ou non? Eh ben... Il y a combien de temps que tu travailles chez Prader et Fils? 5 ans. Regarde bien, laquelle est ta chaise? Celle-ci ou celle-là? Réponds-moi et droit au but. C'est-à-dire... Tu l'as faite avec des mortaises, oui ou non? Ah, pour la vraie chaise, il n'y a que la mortaise. Tu entends? D'abord, quand on met pas de colle, ça peut pas se décoller. Tu peux filer. À l'atelier, je veux dire. Que ça te serve de leçon. Je le savais bien que ta place n'était pas dans un atelier. Dommage pour le bois. Enfin, emporte toujours ça pour allumer ton feu. Non. Non, mais... c'est ignoble. Je ne retire pas ce que j'ai dit. Je dis que vous êtes assis sur ma chaise. Mais vous mentez comme ça vous arrange, après ça vous allumez votre pipe. Oui, vous. Oui, vous me faites tous peur, oui, je tremble. Comment se fait-il qu'avec vous autres, j'ai toujours tort? Je suis jeune, je m'étais dit, tu ne dois pas en demander trop. Mais ça ne me sert à rien. Des preuves, ça vous est bien égal. Mais j'aurais beau faire ce que je voudrais, vous tournerez toujours tout contre moi. Oh, mais je ne veux pas me perdre, mais non pas, ça m'arrange. Est-ce que seulement vous m'entendez? Vous sucez le bout de votre pipe et vous vous dites, en face que vous mentez, vous le savez que vous êtes ignoble. Vous êtes un salaud. Comment se fait-il que vous autres, vous soyez plus forts que la vérité? La vérité, vous la connaissez parfaitement, vous êtes assis dessus. Vous n'avez pas ça depuis l'heure. Arrête tes litanies. Vous avez l'air d'un crapaud. Arrête tes litanies. Primo, on n'est pas au mur des lamentations. Hé, hey, là-bas, l'équipe de football, va-t-il falloir que je vous mette à la porte? Primo, on n'est pas au mur des lamentations. Et secondo, il n'a jamais été question que je te renvoie. Absolument pas question. J'ai un autre travail pour toi. Retire ton tablier, je vais te montrer comment on inscrit les commandes. Tu vas écouter quand ton patron te parle. Pour chaque commande que tu auras décrochée avec tes litanies, ça te fera une demi-livre. Enfin, disons une livre. Pour 3 commandes. Ceux de ton espèce ont ça dans le sang, tu peux me croire. Et on a le devoir de faire le métier qu'on a dans le sang. Tu vas gagner de l'argent, mon gars. Des masses d'argent. D'accord? Ce que je te dis, André, c'est pour ton bien. Moi qui voulais être menuisier. Je suis compagnon menuisier. On m'appelle Freddy. Ouais, je reconnais, c'était ma chaise, et pas la sienne. En ce temps-là... Après, j'ai essayé de lui causer, mais c'était déjà trop tard. Il n'y avait plus moyen de lui adresser la parole. Après, c'est normal, je ne pouvais plus le sentir. Il me disait même plus bonjour. Je dis pas que c'est bien fait pour lui, ce qui est arrivé. Mais il y avait de sa faute. Sans quoi, ça n'aurait pas tourné de la façon que ça a tourné. Quand on est revenu le chercher plus tard, pour l'équipe de foot, il se croyait quelqu'un de trop bien pour nous. Enfin, c'est tout de même pas de ma faute s'ils sont venus le chercher, plus tard. Nous sommes dans la maison de l'instituteur, du maître d'école. La famille est à table. Andri est assis près de Barbeline et il a quelque chose à demander à son père adoptif. Je voulais vous demander autre chose. C'est pas la peine de toujours avoir peur. Je ne sais pas ce qu'on dit en pareil cas. Je vais avoir 21 ans. Barbeline a 19 ans. Et là ? Nous voudrions nous marier. Oui, j'étais venu vous demander. Enfin, je voulais d'abord attendre d'avoir passé l'examen de menuisier, mais puisqu'il ne faut plus y penser... Nous voudrions nous fiancer maintenant pour que les autres soient au courant et ne courent plus tout le temps après Barbeline. Vous mariez ? Père, je viens te demander de me donner la main de ta fille. Carl, il y a longtemps que je vois ça venir. C'est toi. C'est pas une raison pour faire tomber le pont. Ils aiment. Mais c'est pourtant vrai, père, que nous aimons. Alors c'est difficile à expliquer. Déjà, au temps de la chambre verte, quand nous étions encore enfants, nous parlions de nous marier. À l'école, nous étions tout honteux parce que les autres se moquaient de nous. Ils disaient que ça ne pouvait pas se faire parce que nous étions frères et sœurs. Et une fois, nous avons voulu nous empoisonner. Justement parce que nous n'étions pas frères et sœurs. Avec des cerises du diable. Mais c'était en hiver, il n'y avait pas de cerises. Alors, nous avons pleuré si longtemps que maman s'en est aperçue. Oui, tu es arrivé, maman. Tu nous as expliqué que ça n'était pas vrai, que nous n'étions pas frères et sœurs. Et tout ça parce que notre père m'avait sauvé la vie en me faisant passer la frontière. Parce que j'étais juif. Alors j'étais si heureux que je l'ai raconté aux autres, à l'école et partout. Et depuis ce temps-là, nous ne dormons plus dans la même chambre. Maintenant, nous ne sommes plus des enfants. Oh père, il est grand temps de nous marier. André, ce n'est pas possible. Et pourquoi ? Parce que ce n'est pas possible ! Je ne crie pas si fort ! Non ! Non, non. Mais toi, ne te mets pas tout de suite à pleurer ! Alors je me tuerai ! Et ne dis pas de bêtises ! Ou bien j'irai voir les soldats ! Parfaitement ! Alors le bon Dieu te punira ! Il me punira ! Barbeline ! C'est ça ! Laisse la fin de gourde ! André, des filles, tu en trouveras d'autres ! André, tu restes ! C'est la première fois que je dois te répondre non. Non ! Je ne te comprends pas, Carl. Je ne te comprends pas. Est-ce que tu serais jaloux ? Barbeline a 19 ans ? Et il y aura bien un jour un garçon qui se présentera, pourquoi pas André, puisque nous le connaissons. C'est dans la nature. Et pourquoi prends-tu ce regard absent ? Et secoues-tu la tête comme ça, alors que c'est un grand bonheur ? Pourquoi ne veux-tu pas lui donner ta fille ? Tu t'enfonces dans ton silence parce que tu es jaloux, Carl. Jaloux des jeunes, jaloux tout simplement de la vie, parce que maintenant elle continue sans toi. Qu'est-ce que tu en sais, toi, de la vie? C'est une question que je pose. Berbeline est une enfant. Mais tous les pères disent la même chose. Une enfant pour toi, Karl, mais pas pour André. Et pourquoi dis-tu non? Parce que je suis juif. André. Dites-le donc. Juif. C'est bien ce que je disais. Juif. Juif. Tous les trois mots. Tous les jours. Tous les deux mots. Juif. Pas un jour sans le mot juif. Pas une nuit sans le mot juif. Il suffit que quelqu'un ronfle pour que j'entende juif. Pas un jour, pas une nuit sans juif. J'entends dire juif quand il n'y a pas de juif. Pas de bonnes espoirs sans juif. Pas de bonnes affaires sans juif. Pas de calamité sans juif. Juif quand juif. Juif. Les enfants dans la rue jouent au juif quand j'ai le dos tourné. Un clapissement dans toutes les bouches. Et quand les chevaux hennissent, c'est encore juif, juif, juif. Comme si c'était la seule raison possible. Alors dis-les tes raisons. Où vas-tu? Quelque part, j'aurai la paix. Nous sommes de nouveau à l'auberge. L'aubergiste est en train d'essuyer une table. Et voici le maître d'école. Parce que je suis juif. Un jour, je leur dirai la vérité. On croit ça. Et le mensonge est une censure qui a saigné à blanc la vérité. Grossit le mensonge. Je ne peux plus m'en débarrasser. Le mensonge est grossi. Il me regarde. Un juif tout craché, mon fils. Quoi de nouveau? Il y a que j'ai menti. Vous l'avez caressé quand il était petit. Maintenant, c'est un homme! Un homme! Un homme. Et il veut se marier. Se marier. Avec sa sœur. Voilà ce qu'il y a de nouveau! C'est déjà ce que vous pensez. Même un sauveur de juifs fait trop cas de sa fille pour la donner en mariage à un juif. J'entends d'ici vos ricanements. Quoi de nouveau? Qu'est-ce que vous avez à ricaner? Les voilà encore qui nous menacent. Qui ça? Ceux de là-bas. Où vas-tu? Quelque part où j'aurai la paix! Andri dort allongé sur le sol devant la porte de Barbeline. Le soldat apparaît. Il hésite. Et il délace ses chaussures. Les retire. Ses chaussures à la main, pieds nus, le soldat enjambe Andri et pénètre dans la chambre de Barbeline. Il referme la porte. Andri dort toujours. Mais il s'agite, il lève la tête et se réveille. Ah, Maintenant, il n'y a plus de bruit dehors. Ils ont fini de boire et de brailler. Tu dors, Barbelu ? Quelle heure faut-il être ? 4 heures ? Oh, la nuit est comme du lait. On dit comme du lait tout bleu. Un vrai déluge de lait. Bientôt, les oiseaux vont recommencer. Pourquoi pousses-tu le verrou ? Il peut monter, ton vieux, et me trouver devant la porte de sa fille, et après. J'abandonnerai pas, Barbeline. Je viendrai m'asseoir sur ton seuil toutes les nuits. Quand même, il se saoulerait à mort, oui ? Toutes les nuits ! Fini. Fini de me frotter aux gens comme un chien qui mendie un os. Maintenant, je vais. Fini de pleurer, maintenant, je ris. Plus ils sont ignobles avec moi, plus je me sens à l'aise dans ma haine, plus je me sens à l'abri. La haine calcule ses plans. Maintenant, chaque jour, je suis heureux parce que j'ai calculé mon plan et personne n'en sait rien. Et quand je marche d'un air traqué, c'est seulement pour faire semblant. Depuis que je l'ai, il me prend envie de siffler et de chanter. Mais je le fais pas. La haine rend patient et dure. Je le hais, leur pays. Et nous le quitterons. Avec toute leur sale figure. Il y a ce lettre que j'aime. Et c'est tout ce dont j'avais besoin. Aujourd'hui, Barbeline, j'ai gagné 1,5 livre. 1,5 livre dans une journée. Ah, maintenant, je fais des économies. Fini aussi la casserole à musique. Oh. Et si les autres pouvaient voir à quel point ils ont raison, je ne cesse plus de compter mon argent. On le voilà qui arrive. Maintenant, Barbeline, ça nous fait déjà 24 livres. Mais tu ne dois le dire à personne. Hein. On va se marier. Tu peux me croire. Ailleurs, il existe un monde où personne ne nous connaîtra. Et nous, Barbeline, nous irons là-bas. Mais t'as bien fait de pousser le verrou. Mon fils. Je ne suis pas ton fils. J'étais venu, André, pour te dire la vérité avant qu'une autre journée commence. Tu as bu ? À cause de toi, André, à cause de toi. Mon fils... Ah, va te cramponner au réverbère, mais pas à moi ! Et ne m'appelle pas toujours mon fils quand tu es sous. Oh, ne t'inquiète pas, ta fille a poussé le verrou. André... Tu ne tiens même plus sur tes jambes. J'ai du chagrin, beaucoup de chagrin. Maman pleure et attend que tu rentres. Je ne m'attendais pas à cela. Tu ne t'attendais pas à quoi ? Mais est-ce que tu ne veuilles pas être mon fils ? J'ai besoin de m'asseoir. Ainsi, tu ne veux pas m'écouter ? Tant pis. Tu m'as sauvé la vie, je sais. Si tu y tiens, je peux te dire tous les jours, tu m'as sauvé la vie. Et même 2 fois par jour, 1 fois le matin, 1 fois le soir, tu m'as sauvé la vie, tu m'as sauvé la vie. J'ai bu, André, pour avoir le courage de te dire la vérité. Voilà, j'ai trop bu. Oui, j'en ai bien l'impression. Tu me dois la vie, oui, parce... Oui, je te la dois. Je ne comprends pas. On ne reste pas là planté comme ça quand je te parle. Ainsi, ma vie ne t'intéresse pas. Non, c'est ma vie à moi qui m'intéresse. Voilà déjà le chant du coq. Comme si tu étais en état de penser quelque chose. Tu me méprises. Non. Oh non, j'ai eu pour toi de l'admiration. Pas pour m'avoir sauvé la vie, mais parce que je croyais que tu n'étais pas comme les autres. Que tu ne pensais pas comme il pense. Que tu avais du courage. Je t'ai fait entièrement confiance. Et puis, On a bien vu ce qu'il en était. Mais qu'est-ce qu'on a bien vu, André? Je ne pense pas comme ils pensent. Je leur ai déchiré leur livre de classe. Je voulais qu'ils m'en donnent d'autres. Oui, on connaît l'histoire. Sais-tu ce que j'ai fait? J'ai menti. Tu ne veux pas me comprendre? Bon, écoute, il faut que, pour 7 heures, je sois au magasin. Que je vende des tables, que je vende des chaises, que je vende des armoires. Et que je me frotte les mains. Pourquoi faut-il que tu te frottes les mains? Une chaise meilleur marché, est-ce qu'on peut trouver? Ça ne branle pas, ça ne grince pas. Une meilleure chaise, est-ce qu'on peut trouver? Faut que je devienne riche. Pourquoi faut-il que tu deviennes riche? Parce que je suis juif. Mon fils... Il ne me touche plus. Tu me dégoûtes. Qu'est-ce que tu dis? Ne chiale pas ton schnaps par les yeux. Si tu ne tiens pas l'alcool, va-t'en, je te dis. Tu me détestes. Norbeline, il est parti. Je voulais pas lui faire de peine, mais il devient de plus en plus impossible. Tu l'as entendu, il ne sait plus ce qu'il raconte, et après ça, il a l'air de pleurer. Barbeline. Et tu dors, Barbeline? Barbeline? Barbeline? Barbeline? Barbeline? Barbeline! Toi, fous-moi le camp. Fous-moi le camp. C'est pas vrai. Ou je te vais embrouiller. Je m'appelle Pyder. Je reconnais que je ne pouvais pas le sentir. Ce que je pouvais savoir, c'en était pas un. Tout le monde a toujours dit que c'en était un. Et puis d'ailleurs, je continue à croire que c'en était un. Depuis le début, j'ai jamais pu le sentir. Et c'est pas moi qui l'ai tué. J'ai simplement fait mon service. La consigne, c'est la consigne. Où est-ce qu'on irait si les ordres n'étaient pas exécutés? Moi, j'étais militaire. Nous sommes à l'église. Le curé André, est avec André. Nous allons avoir une conversation sérieuse. Ta mère adoptive le souhaite. Elle se fait bien du souci pour toi. Assieds-toi. Assieds-toi, André. Tu ne veux pas t'asseoir? Je comprends. C'est la première fois que tu viens. Enfin, autant dire la première fois. Je me souviens un jour, votre ballon s'était égaré dans l'église et les autres t'avaient envoyé le chercher derrière l'autel. Sur quoi cette conversation, monsieur l'abbé? Tu ne veux vraiment pas t'asseoir. Ma foi. Est-ce vrai, monsieur l'abbé, que je suis autrement que tout le monde? André, je vais te dire quelque chose. Je suis prétentieux, je le sais bien. Je comprends ton désarroi, mais je voudrais que tu saches que nous t'aimons bien tous, tel que tu es. Mais ce que ton père adoptif n'a pas fait pour toi, tout ce qui peut être fait. J'ai même entendu dire qu'il avait vendu un terrain pour que tu deviennes menuisier. Je ne deviendrai pas menuisier. Et pourquoi cela? Ceux de mon espèce, monsieur l'abbé, ça ne pense qu'à l'argent, paraît-il. Et c'est pour ça que ma place n'est pas à l'atelier, d'après ce que dit le menuisier, mais au magasin de vente. Je suis vendeur, monsieur l'abbé. Ma foi. Moi qui voulais être menuisier. Tu ne veux vraiment pas t'asseoir? Je crois que vous vous trompez, monsieur l'abbé. Personne ne m'aime. L'aubergiste dit que je suis prétentieux. Et je crois bien que le menuisier pense la même chose. Et le docteur dit que je suis ambitieux et que les gens de mon espèce n'ont pas de sentiments. Est-ce vrai, monsieur l'abbé, que je n'ai pas de sentiments? Il est possible, Andry, que tu aies quelque chose d'inquiet. Pyder dit que je suis un lâche. Mais pourquoi vas-tu t'occuper de ce Pyder, Andry? Oui. Oui, vous allez me dire qu'on ne doit pas toujours penser à soi. Mais je peux pas faire autrement, monsieur l'abbé, c'est comme ça. Toujours forcé de me demander si c'est vrai ce que les autres pensent de moi, que je ne suis pas comme eux, pas gay, pas affectueux, pas comme tout le monde. Et vous aussi, monsieur l'abbé, vous me trouvez quelque chose d'inquiet? Je m'en rends bien compte, personne ne m'aime. Et moi non plus, je m'aime pas lorsque je pense à moi. Donc je peux m'en aller maintenant. Maintenant, c'est à toi de m'écouter. Et qu'est-ce qu'on veut de moi, monsieur l'abbé? Pourquoi toujours cette méfiance? Tout le monde me met la main sur l'épaule. Sais-tu bien ce que tu es, Andry? Non, non, tu ne le sais pas et c'est pourquoi je vais te le dire. Tu es un garçon bien à ta manière, un garçon très bien. Sais-tu bien que je t'observe depuis des années? Vous m'observez? Bien sûr. Mais qu'est-ce que vous avez tous à m'observer? Andry, tu me plais plus que les autres. Et justement parce que tu n'es pas comme les autres. Pourquoi se coupes-tu la tête? Tu es plus intelligent qu'eux. Et c'est justement ce qui me plaît chez toi. Je suis content que tu sois venu et que je puisse te le dire une bonne fois. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Je ne suis pas autrement que les autres. Je ne veux pas être autrement. Et quand même, il serait trois fois plus fort que moi, ce sale Pyder. Je lui casserai la figure sur la grande place devant tout le monde. Je me le suis juré. Ma foi, si tu y tiens. Je me le suis juré. Mais moi non plus, je n'aime pas beaucoup ce Pyder. Je ne veux pas me rendre sympathique, je veux me défendre. Je ne suis pas un lâche. Et pas plus intelligent que les autres, monsieur l'abbé. Je ne veux pas que vous disiez ça. Vas-tu m'écouter maintenant? Non, je n'aime pas toujours sentir vos mains sur mes épaules. Bon, vraiment, tu ne facilites guère les choses. Donc j'ai eu la visite de ta mère adoptive pendant près de 4 heures d'horloge. Cette excellente femme se fait bien du souci pour toi. Tu ne viens plus pour les repas. Tu ne desserres plus les dents. Et elle m'a dit que tu ne veux pas croire que l'on veut uniquement ton bien. Tout le monde me veut du bien. Pourquoi ris-tu? S'il me veut tant de bien, pourquoi, monsieur l'abbé? Pourquoi est-il prêt à tout me donner, mais pas sa propre fille? Mais comme père, il est dans son droit. Mais pourquoi, monsieur l'abbé? Pourquoi? Parce que je suis juif! Ne crie pas! Mais tu n'as donc pas d'autre idée dans la tête? Andry, je t'ai parlé en chrétien. Je t'aime beaucoup. Mais je suis bien forcé de te le dire, c'est un vilain défaut que vous avez tous. Qu'il vous arrive quoi que ce soit dans l'existence, vous n'avez qu'une seule explication, c'est parce que vous êtes juif. Quand vraiment, vous ne facilitez guère les choses avec toutes vos susceptibilités. Mais tu pleures. Qu'est-il arrivé? Andry, réponds-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu es tout tremblant. Que s'est-il passé avec Barbeline? Andry, comment veux-tu que je t'aide si tu ne me parles pas? Andry, voyons, réponds-moi, tu es un homme! Enfin, je ne sais pas quoi te dire. Ma Barbeline, elle ne peut pas m'aimer. Moi-même, je ne le peux pas. Tu peux rester tout de même. Toi-même, tu l'as dit. Comment veux-tu que les autres nous aiment si nous-mêmes ne nous aimons pas? Notre Seigneur a dit « comme toi-même ». Nous sommes bien obligé, Andry, de nous accepter tels que nous sommes. Et c'est justement ce que tu ne fais pas. Pourquoi veux-tu être comme les autres? Tu es plus intelligent qu'eux, plus éveillé? Pourquoi joues-tu au football comme toute cette bande d'imbéciles, à courir en braillant sur une pelouse uniquement pour te sentir un andorien comme les autres? Ils ne t'aiment pas, je le sais bien. Je sais aussi pourquoi. Il y a en toi l'étincelle. Toi, tu penses. Et pourquoi n'y aurait-il pas des créatures avec plus d'intelligence que de sentiments? Je te le dis, Andri, c'est justement ce que j'admire chez vous. Il y a en vous l'étincelle. Songe à Einstein, à tous les autres, à Spinoza. Est-ce que je peux m'en aller maintenant? Andri, aucun homme, ni juif, ni chrétien, ne peut s'échapper de sa peau, personne. Dieu veut que nous soyons tels qu'il nous a créés. Tu me comprends? Et quand les autres disent que le juif est lâche, retiens bien ceci, Andri. Tu n'es pas un lâche quand tu acceptes d'être un juif. Mais au contraire, tu es différent de nous. Voilà, tu entends? Mais quand tu veux être pareil à tous les Andoriens, c'est alors que tu deviens lâche. Réfléchis bien, Andri, à ce que tu disais toi-même. Comment veux-tu que les autres t'acceptent si tu ne t'acceptes pas toi-même? Andri, tu m'as compris? Andri! C'était la fin de la première partie de Andorra, une pièce de Max Frisch, dont nous allons voir maintenant la deuxième partie. Au lever du rideau, le prêtre est à genoux face au public. Tu ne te feras point d'image de Dieu, ton Seigneur, ni des hommes, ses créatures. Moi aussi, je me suis rendu coupable. Quand nous avons eu cette conversation, moi aussi, je me suis fait de lui une image. Moi aussi, je l'ai chargé de chaînes. Moi aussi, je l'ai mené au poteau. La population réunie au café commente les événements en lisant les journaux. Certains s'inquiètent du danger d'être envahis et battus par les Kazakhs noirs. D'autres ont foi dans la grandeur d'Andorra. L'étrangère, qui appartient au pays des Kazakhs noirs, entre. L'idiot dépose ses valises. Il y a immédiatement un mouvement de départ parmi les autres clients. Qui a-t-il dedans? Puis-je commander quelque chose? Avec plaisir, seigneur. Que boit-on ici d'habitude? Avec plaisir, seigneur. Un verre d'eau sera le mieux. Tout ce que vous voudrez, seigneur. La chambre que vous m'avez donnée est parfaite. Vraiment parfaite. pour moi un marre. Andry est entré dans l'auberge. Il met, comme à son habitude, une pièce dans le piano mécanique. De l'étrangère et commence à tourner autour d'elle avec un peu trop d'insistance. Toujours cette casserole à musique. C'est mon argent. Tu n'as donc rien d'autre dans la tête. Non. Vous n'avez donc pas de femme à Andorra? Connais-tu un instituteur? Nommé K. Porte-lui ce billet. Vous avez entendu ça? Si nous n'avons pas de femme à Andorra, qu'elle me demande. Ah. Et qu'est-ce que t'as répondu? Non, que j'ai répondu, mais des hommes! T'as répondu ça? Un peu que je me dis. Peut-être qu'elle vient à Andorra parce que chez eux, il n'y a pas d'homme. Tiens, là l'autre. Jaune comme un citron. On va me casser la gueule. Comment va la fiancée? Qu'est-ce que ça veut dire? Un vieux rabbin lui a raconté l'histoire de David et Goliath et maintenant il veut nous jouer les David. Partons. Freddy! Comme il bafouille, hein? Pourquoi m'as-tu trahi? Attends. Toi, fais gaffe! Andry a jeté à terre la casquette du soldat. Mais enfin, qu'est-ce qu'il nous veut? Et maintenant, mets-moi en bouillie! Et David? Où elle est ta fronde? Ah, David! Notre David passe à l'attaque! Ah! Sans le notre soldat et le compagnon menuisier maîtrisent Andry. Andry est tenu et il le rosse. À eux trois, il le rosse. Il le jette à terre et le gourde de coups de pied. Non, pas ça! Tous contre un homme! Il manquait plus que ça. Pour rendre ridicule devant une étrangère. Partons! Qui es-tu? Je ne suis pas un lâche. Comment t'appelles-tu? Ils disent toujours que... Je suis un lâche. Ne touche pas ta blessure. Qu'est-ce qui est arrivé? Allez chercher un médecin. Devant mon hôtel, par-dessus le marché. Donnez. Ils l'ont piétiné avec leurs bottes. Regarde-moi. Heureusement, les yeux n'ont rien. Vous ne voulez pas aller chercher un médecin? Maintenant, ils sont tous contre moi. Je ne veux pas du médecin. Le médecin, je le connais. Tu as mal? Non, je peux marcher. C'est juste le front. Conduis-moi chez ton père. Soutenu par l'étrangère, André est sorti, paraît le médecin suivi de l'hôtelier. Ils l'ont piétiné avec leurs bottes. Une bien désagréable affaire. C'est lui qui a commencé. Je n'ai rien contre cette race, mais je me sens toujours mal à l'aise quand j'en vois un. Non, on a beau faire avec eux, on est toujours en train de passer un test. Comme si nous n'avions que ça à faire. Bon, personne n'aime avoir mauvaise conscience. Mais c'est justement ce qu'ils veulent. Ils se débrouillent toujours pour qu'on soit injuste avec eux. Ils n'attendent que ça. Au cours des scènes suivantes, l'étrangère retrouve le maître d'école. Elle comprend qu'il n'a jamais osé avouer à sa femme et aux Andorrans la vérité sur Andri. Tous deux ont été lâches, elle n'a pas osé garder cet enfant adultérin, lui l'a recueilli mais l'a présenté comme un enfant juif. Ainsi tu as dit que notre fils était juif. Pourquoi tu lançais ce mensonge? Un jour il est passé un colporteur andorien qui racontait partout des histoires de toutes sortes. Pour vanter Andorra, il racontait partout la touchante aventure d'un instituteur andorien qui, autrefois, au temps des grands massacres, avait sauvé un enfant juif et l'élevait comme son propre fils. Je t'ai aussitôt envoyé une lettre. Cet instituteur est toi. J'exige une réponse. Te demandais, sais-tu bien ce que tu as fait? J'ai attendu la réponse. Elle n'est pas venue. Peut-être n'as-tu jamais reçu ma lettre? Je ne voulais pas y croire. Pourtant, je le redoutais. Je t'ai envoyé une deuxième lettre, une troisième lettre. J'ai attendu la réponse. Elle n'est pas venue. Pourquoi as-tu lancé ce mensonge? Pourquoi? Tu m'as détesté parce que j'avais été lâche quand l'enfant est arrivé? Parce que j'ai eu peur des gens de chez moi? Toi? Quand tu as traversé la frontière, tu as dit que c'était un enfant juif que tu avais sauvé de nous. Pourquoi? Parce que toi aussi tu as été lâche. Parce que toi aussi tu as eu peur des gens de chez toi. Tu voulais me montrer combien vous êtes différents de nous. Parce que tu me détestais. Tu le vois bien? Les gens d'ici ne sont pas différents. Enfin, pas très différents. Il m'a dit qu'il voulait rentrer à la maison. Il m'a mené jusqu'ici. Quand il a vu ta maison, il a fait demi-tour et il est reparti je ne sais où. Je vais leur dire que c'est mon fils, notre fils, quelqu'un de leur chair et de leur sang. Pourquoi n'y vas-tu pas tout de suite? Et s'il n'en voulait pas de la vérité? L'étrangère décide alors de repartir. Andri la raccompagne. Avant de le quitter, elle lui laisse sa bague en souvenir. Sur la demande du maître d'école et de sa femme qui connaît maintenant la vérité, le prêtre a maintenant un entretien avec Andri. Puisqu'on ne souhaite pas que je te dise pourquoi je suis venue, je vais mettre mes gants et partir. Signora, je ne comprends rien à ce que vous me dites. Bientôt, tu vas tout comprendre. Sais-tu bien que tu es beau? Ils t'ont insulté, malmené, André. Et cela va finir. La vérité sera leur juge. Et toi? Tu es le seul ici qui n'ait rien à craindre de la vérité. Mais quelle vérité? Je suis heureuse de t'avoir vu. Vous allez nous quitter, Signora? On me l'a demandé. Mais, puisque vous dites que les autres pays ne sont ni pires ni meilleurs qu'Andorra, mais pourquoi ne restez-vous pas ici? Tu voudrais bien? Il faut que je parte. Tu entends comme je les irai. Je suis une de là-bas. Une Kazakh noire. Je sais bien, c'est comme ça qu'ils nous appellent ici. André, j'aurais encore beaucoup de questions à te poser, beaucoup de choses à te dire. Je voudrais te parler longuement. Nous nous reverrons. Je l'espère. Nous nous reverrons. C'est donc ici que tu as grandi? Oui. Il faudrait que je parte. Quand j'avais à peu près ton âge, André, oh, cela va très vite. On a 20 ans. On n'arrive pas à y croire. On a toute la vie devant soi. On se rencontre, on s'aime, on se quitte. Quand on regarde son miroir, la vie est brusquement derrière nous. On ne se trouve pas tellement changé. Ce sont les autres maintenant qui ont 20 ans. Quand j'avais à peu près ton âge, mon père, un officier, avait été tué à la guerre. Je savais comment il pensait. Je ne voulais pas penser comme lui. Nous voulions changer le monde. Nous méprisions le monde tel qu'il est. Nous le percions à jour. Nous voulions tenter l'aventure d'un monde nouveau. Et nous avons tenté notre aventure. Quand nous avons compris que nous ne faisions que taire notre peur, la haine s'est installée entre nous. Nous avons repassé la frontière, celle que nous avions franchie quand nous étions jeunes comme toi. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Non. Pourquoi? Pourquoi m'embrasser? Est-ce que nous nous reverrons? Je voudrais bien. Faut que je parte. J'aurais toujours souhaité n'avoir connu ni mon père ni ma mère. Personne n'arrive à comprendre ses parents, à voir le monde comme ils l'ont laissé. Mais je pars. J'étais en train de partir. Alors je fais mes adieux. Maintenant je pars. Maintenant je pars. Compagne-la. Ne traverse pas la place, fais le tour par derrière. Pourquoi? Va! Le curé le lui dira. Il ne me pose pas de questions, pas maintenant. Toi, tu ne me comprends pas. C'est pourquoi je ne t'ai jamais rien dit. Maintenant, tu sais. Qu'est-ce que va dire André? Moi, il ne me croira pas. J'espère que cette racaille va les laisser tranquilles. Karl, je comprends plus de choses que tu ne crois. Tu l'as aimée, elle. Mais tu m'as épousée, moi, parce que je suis andorienne. Tu nous as trahis tous. Mais surtout, André. Et ne crie pas contre les Andoriens. Tu en es un toi-même. Votre maison vous donne bien du travail, monsieur l'abbé. Vous avez dû expliquer à notre Andry ce que c'était qu'un juif et qu'il devait l'accepter. Et maintenant qu'il l'accepte, il va falloir, monsieur l'abbé, que vous lui expliquiez ce que c'est qu'un andorien et qu'il devra l'accepter. Maintenant, laisse-nous. Que le bon Dieu vous assiste, Père Bénédicte. J'ai essayé, mais c'est inutile. Ils ne veulent rien entendre. Toute parole raisonnable les met hors d'eux. J'ai eu beau leur dire de rentrer chez eux, de s'occuper de leurs affaires. Avec cela, pas un seul qui sache au juste ce qu'il faut. Déjà de retour? Elle m'a dit qu'elle voulait marcher seule. Regardez ce qu'elle m'a donné. Sa bague. Oui. Qui est cette seigneura? Alors c'est moi qui l'accompagnerai. Il est jaloux. Pourquoi ris-tu? Il est jaloux. Pourquoi ris-tu? Qu'est-ce que vous avez tous en ce moment? Assieds-toi, André. André, il n'y a pas de quoi rire. Non, mais c'est quand même drôle. C'est une topaze ou bien quoi? André, nous allons avoir une conversation sérieuse. Encore? Mais aujourd'hui, les gens ont tous l'air de marionnettes dont on a embrouillé les fils. Mais vous aussi, monsieur l'abbé. Elle a été sa maîtresse dans le temps. On a un peu l'impression. Pas vous. C'est une femme formidable. Elle est formidable, non? Hein? Je suis content de voir qu'elle te plaît, André. André, je... Oui. Oui, je sais. Vous allez me dire qu'on ne doit pas aborder comme ça un soldat et lui faire tomber sa casquette quand on sait qu'on est un juif. On ne doit jamais faire ça, et pourtant je suis content de l'avoir fait. Oui, ça m'a appris quelque chose, même si ça ne me sert à rien. D'ailleurs, depuis notre conversation, monsieur l'abbé, il ne se passe pas un seul jour sans que j'apprenne quelque chose qui ne me serve à rien, tout comme vos bonnes paroles. Oh, je crois que vous ne voulez que mon bien, vous êtes chrétien de profession. Mais moi, je suis juif de naissance. Et je vais quitter le pays. Entrez. Si j'arrive à le quitter, cette bague m'y aidera. Tout ce que vous puissiez faire pour moi, monsieur l'abbé, c'est de vous taire, de ne rien dire à personne. Excusez-moi, il faut pour 2 heures, je suis au magasin. Oui, j'ai quelque chose d'inquiet, je le sais bien, vous aviez raison, monsieur l'abbé. André. Oh. Comme vous voilà solennel. André, je viens t'apporter la délivrance. Ah. J'écoute. Moi non plus, je ne le savais pas la dernière fois que nous nous sommes parlé. Il avait sauvé un enfant juif, c'est ce que tout le monde croyait, depuis toujours. Une action de bon chrétien, comment n'y aurais-je pas cru? Mais voilà, ta mère est venue. Comment? Qui est venue? La signora. André, André, tu n'es pas juif. Tu ne crois pas ce que je te dis? Non. Alors tu crois que je mens? Monsieur l'abbé, on sent bien ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'on sent bien? Si on est juif ou pas? Mais André, André, n'entends-tu pas ce que je te dis? André! Il est ton père, c'est la vérité, André. Combien avez-vous de vérité, vous autres? Avec moi, vous n'y arriverez pas. Mais André, pourquoi ne veux-tu pas nous croire? Mais jusque-là, tu crois? Mais André, je te le dis, je te le jure, sur mon salut éternel, tu es son fils, tu es notre fils. Mais il n'est plus question que tu sois juif. Il en a beaucoup été question. Que se passe-t-il? Depuis que j'ai des oreilles pour entendre, on me dit que je suis différent. Et j'ai bien fait attention pour voir si c'est vrai. C'est vrai, monsieur l'abbé. Je suis différent. On m'a dit, quel geste font les gens de mon espèce, ce geste-ci, ce geste-là. Et je me suis mis presque chaque soir devant la glace. Ils ont raison, je fais ces gestes-ci, je fais ce geste-là. Je ne peux plus en faire d'autres. Et j'ai fait attention aussi pour voir si c'est vrai ce qu'ils disent, que je ne pense qu'à l'argent. Quand les Andoriens m'observent et pensent que je suis en train de penser à l'argent, ils ont raison, là encore, je ne fais que penser à l'argent. C'est vrai. Et je n'ai pas non plus de sentiments. J'ai eu beau essayer, c'était inutile. On m'a dit que ceux de mon espèce sont des lâches. Là aussi, j'ai fait attention. Il y a beaucoup de gens qui sont lâches, mais moi, je sais quand je le suis. Ils m'ont piétiné avec leurs bottes, et c'est tout à fait vrai ce qu'ils disent, je ne sens pas les choses comme eux. Et je n'ai pas de pays à moi. Vous m'aviez dit, monsieur l'abbé, qu'il fallait accepter cela. Et moi, je l'avais accepté. C'est à vous maintenant, monsieur l'abbé, de l'accepter, votre juif. André, tu veux être juif ? Je le suis, juif. Pendant longtemps, je n'ai pas su ce que c'était, maintenant, je sais. Oh, je voudrais n'avoir ni terre ni mer pour que leur mort ne retombe pas sur moi en souffrance et en désespoir. Et que ma mort ne retombe pas sur eux. Et pas de sœur, non plus ni de fiancée. Bientôt tous les liens seront déchirés. Les serments, notre fidélité, tout ça ne servira de rien. Ah, je voudrais que ce soit pour bientôt. Je suis vieux. J'ai sauté de joie. Le soleil était une grande lumière verte dans les branches. Et j'ai lancé en l'air mon nom comme une casquette. Et c'est une pierre qui retombe et qui me tue. Maintenant, je sursaute de peur quand je ris et je ne suis même plus capable de pleurer. Ma désolation m'élève au-dessus de vous tous et c'est pourquoi je tomberai. Je voudrais être déjà mort, mais mourir me fait horreur. Il n'y a pas de grâce. C'est un péché de parler ainsi. Vous voyez, l'instituteur comme il dégringole la pente, et pourtant il a été un jeune homme, comme il dit, et une grande volonté. Vous voyez, Barbeline, et tous, pas moi seulement. Vous voyez, les soldats, tous des damnés. Vous-même, regardez-vous, monsieur l'abbé. Vous savez déjà ce que vous ferez le jour où l'on viendra me chercher sous le regard de vos bons yeux. C'est pour ça qu'il me regarde si fixement pour vos bons yeux d'homme bon. Vous prierez, pour moi et pour vous. Mais votre prière ne servira de rien, pas même à vous. La grâce est une vieille histoire qu'on n'en finit pas de raconter. Et le soleil, une lumière verte dans les branches. Même quand ils viendront me chercher. Qu'est-il arrivé? Elle est morte. Comment est-ce arrivé? Signoret. Un pavé. Lancé par qui? Par André. À ce qu'ils disent. L'aubergiste l'a vu de ses propres yeux. Il était ici. Vous serez son témoin. Je ne suis qu'un quidam. Je reconnais. On n'a jamais vraiment prouvé qui avait lancé le pavé sur l'étrangère. Personnellement, je n'étais pas sur les lieux. Je ne voudrais accuser personne, je ne suis pas le jugement dernier. Quant à ce jeune garçon, bien sûr que je me souviens de lui. Il venait souvent claquer ses pourboires dans la casserole à musique. Et quand ils sont venus le chercher, ça m'a fait de la peine pour lui. Ce que les soldats ont fait de lui après qu'ils sont venus le chercher, je n'en sais rien. Nous avons seulement entendu un cri. Et puis tout de même, un jour ou l'autre, il faut savoir oublier. À mon avis. Sur la place du village, Andri est seul en scène. On me voit partout, je le sais. Eh bien, tu me vois. Ce n'est pas moi qui ai lancé le pavé. Qu'ils viennent donc, tous ceux qui l'ont vu de leurs propres yeux, qu'ils viennent. Qu'ils sortent de leur maison, s'ils en ont le courage, et qu'ils me désignent du doigt. Qu'est-ce que tu marmonnes, toi, derrière le mur? Quand tu marmonnes comme ça, je ne comprends pas un mot. Voilà depuis une bonne heure au milieu de la place. Personne. Comme si tout le monde était mort. Ils sont tous dans leur cave. Tout a pris un air bizarre. Il n'y a rien de vivant, juste les oiseaux sur les fils électriques. Mais pourquoi est-ce que je me casserai? Ce n'est pas moi qui ai lancé le pavé! Depuis le petit matin, je vadrouille à travers vos rues, tout seul, sans âme qui vive. Toutes les portes sont bouclées, tous les volets fermés. Il ne reste plus que les chats et les chiens dans votre Andorra blanche comme neige. Tu ne dois plus te promener avec un fusil, tu m'entends, c'est fini. André, je t'ai cherché toute la nuit. Où est Barbeline? André, les casettes noires sont là. Ne fais pas de bruit. Qu'est-ce que tu écoutes là? Je ne sens que des oiseaux. André, tu ne peux pas rester ici. Où est-ce que je peux rester? André, c'est du délire ce que tu fais. C'est absurde, viens! C'est pas moi qui ai lancé le pavé. C'est pas moi qui ai lancé le pavé! Je suis étonné. Un volet. Des gens derrière leur volet. Tu n'as pas entendu de coup de fusil? Il n'y a jamais eu moins de bruit. Je n'ai aucune idée de ce qui va arriver. Il va y avoir du spectacle. Que dis-tu? Que tout la mort, que l'esclavage! Vous n'avez rien à résister. Tu entends? Dans l'ordre de la tranquillité. Évitez toute effusion du sang. Au nom de la paix. Le port de la détention d'armes. Le commandant suprême des forces d'opération. Exactement ce qu'on aurait pu imaginer. Exactement. Où veux-tu parler? De votre capitulation. Tu es le dernier à porter un fusil. Oh, les salauds! On n'aura rien à redouter! Tu as vu leur façon de marcher? Ils ne se regardent même pas. Et comme ils se taisent? Quand l'événement est là, chacun s'aperçoit brusquement de ce qu'il n'a jamais voulu croire. C'est pour ça qu'ils ont aujourd'hui cette bizarre façon de marcher comme des menteurs qu'ils sont. Mon fils. Ne recommence pas. Mais tu es perdu si tu ne me crois pas. Je ne suis pas ton fils. Ne me choisis pas son père. Que me dites que je fasse? Pour que tu me crois. Partout où je suis, partout où je vais, je le dis. Je l'ai même dit aux enfants de l'école quand tu étais mon fils. Que faut-il de plus? Faudra-t-il que je me parle pour que tu me crois? Je ne te quitterai pas. Qui regardes-tu? Ils ne peuvent même pas attendre. Et d'où les sortent-ils, ces drapeaux? Il ne leur reste plus qu'à trouver un bouc émissaire. Ce n'est pas toi qui as lancé le pavé. Mais répète-le encore une fois, ce n'est pas toi qui as lancé le pavé! Oui! Je crois ton absurde innocence. Oh oui. Tu as beau mourir entier avec des yeux de juif. Tu es mon fils! Mon fils! Et tu es perdu si tu ne me crois pas. Je suis perdu. Tu veux que je sois coupable? Alors dis-le. Ils font leur entrée en musique? Je sais qui étaient les miens. Par milliers, par centaines de milliers, ils sont morts, liés au poteau. Leur destin est le mien. Leur destin! Tu ne comprends pas, c'est que tu n'es pas juif. Laisse-moi seul. l'air de qui? Et en bon ordre, j'ai dit, à la mer! Le père est le seul encore armé dans la ville. Non. Le soldat aucun n'a pas sur la chasse. Bande de salauds. Tous autant que vous êtes. Bande de foireux. Jusqu'au dernier. Ha! Bande de foireux. On le maîtrise et on lui prend son fusil. Et les habitants de la ville repartent derrière le soldat. Le père reste seul, désarmé, avec son fils qui a remis le piano mécanique en marche. Andri vient rejoindre Barbeline, qui est assise devant sa porte. Andri, je demande si tu as souvent couché avec lui pendant que j'étais là. Tapis sur ton seuil, en train de parler. Je parlais de nous, de fuir ensemble. C'est là que je l'ai vu, tu sais, là, debout, pieds nus, la ceinture ouverte. Tais-toi ! La poitrine poilue comme un singe, un vrai mâle. As-tu souvent couché avec lui ? Tu ne dis rien ? Alors ? De quoi veux-tu que nous parlions cette nuit ? Et il ne faut pas que je pense à ça, tu dis que ça n'est pas le moment, qu'il faut que je pense à mon avenir. Mais moi, je n'ai pas d'avenir. Je voudrais simplement savoir si c'est arrivé souvent. Et ça continue. Au fait, pourquoi est-ce que je veux savoir ça? En quoi est-ce que ça me regarde? Oh, seulement pour savoir si j'ai encore un peu de sentiment pour toi. Ça n'est pas du tout comme tu crois. Je ne sais pas où ils me cherchent. Tu es injuste, tellement injuste. S'ils viennent, je m'excuserai de les avoir fait courir. Moi, injuste? Mais je voudrais simplement savoir comment c'est avec un vrai mal. Et si je te le demande, c'est simplement parce que tu as été ma fiancée. Tu peux bien me le dire maintenant que tu te sens comme ma petite sœur. T'es attendu trop longtemps. Je ne veux pas qu'il te fasse de mal. C'est toi qui décides. Je reste avec toi. Voilà de nouveau la peur. Mon frère. Comme ça, brusquement. C'est que ça, que je suis dans la maison et qu'ils ne trouvent personne, ils mettent le feu, c'est bien connu. Et puis ils attendent en bas dans la rue que le juif saute par la fenêtre. Non, André, tu n'es pas juif. Alors pourquoi veux-tu me cacher? Viens dans ma chambre. Non. Personne ne sait qu'il y a ici notre chambre. C'était pas une heure. Rayer de l'existence. Qu'est-ce que tu dis? Ce qui va venir, c'est déjà arrivé. Je disais rayer de l'existence. La tête sur tes genoux, tu te souviens? Moi, ça ne peut pas s'effacer. Est-ce que ma présence ne vous gênait pas? Je n'arrive pas à m'imaginer. Oh si, je l'imagine. De quoi ai-je bien pu parler alors que je n'existais plus? Pourquoi ne riais-tu pas, car tu ne riais même pas? Riais de l'existence, riais! Je n'ai même pas senti qu'Empider était dans ton ventre, avec ta chevelure dans ses mains. Et puis après, puisque tout ça, c'est déjà arrivé! Il s'entre en droit où il y a de la peur! Cerne la maison. C'est moi qui cherche, tu le sais bien, je ne suis pas ton frère. Plus la peine de mentir, il n'y a déjà eu que trop de mensonges. Embrasse-moi. André. Déshabille-toi. André, tu es devenu fou. Maintenant, embrasse-moi, prends-moi dans tes bras. Ça n'a plus d'importance. Odile, ne joue pas les vertus. Qu'est-ce que c'était? Oh, ils savent. Ils savent où je suis. Éteins-moi la chandelle. Embrasse-moi. Non! Tu ne peux donc pas faire avec moi ce que tu peux faire avec tout le monde, toute joyeuse, toute nue. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre que moi, les autres? Dis-le donc, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Je t'embrasse, fille à soldat. Un de plus, un de moins, pas de quoi faire la mijaurée. Il y a une différence. Ça les habille, t'es fait, quand c'est moi qui les embrasse. Mon frère. Pourquoi n'as-tu rentré avec moi? Lâche-moi maintenant. Oui, oui maintenant. Oui, je te veux toute joyeuse, toute nue. Oui, ma petite sœur. Rappelle-toi les cerises du diable. Rappelle-toi les cerises du diable. Oh, tu es fou. Tu as entendu? André, cache-toi, tu es perdu si tu ne me crois pas. Oh, pourquoi, ma bonne? Pourquoi ne pas nous être empoisonnés quand nous étions encore enfants? Maintenant, il est trop tard. Père ne leur ouvrira pas. Comme c'est long. Qu'est-ce que tu dis? Je dis comme c'est long. Notre Seigneur, Père Tout-Puissant. Maintenant, laisse-moi ta vie. Où t'as ta blouse? Si tu te trouves avec moi, ça te coûtera cher. Pense à tes cheveux. Où il est? Qui? Notre juif. Il n'y a pas de juif ici. Laissez un peu! Ouvre ça. Le voilà, c'est lui. Ne touchez pas à mon frère. C'est mon frère. On verra ça au dépistage. Au dépistage? Allez, en marche! Qu'est-ce que c'est le dépistage? Tout le monde doit passer au dépistage des juifs. Bouffier à ces juifs. Je suis le professeur Ferrer. Médecin cantonal. Je tâcherai d'être bref. Encore que dans ce que l'on raconte aujourd'hui, beaucoup de points appellent des rectifications. Après coup, c'est toujours facile de savoir la ligne de conduite qu'il aurait fallu adopter. Outre qu'en ce qui me concerne personnellement, je ne vois réellement pas pourquoi j'aurais dû adopter une autre ligne de conduite. Qu'est-ce que j'ai fait dans le fond, moi? Absolument rien. J'étais médecin cantonal. Du reste, je le suis toujours. Je le reconnais, nous nous sommes tous trompés en ce temps-là. Et il va de soi, je ne puis que le regretter. Combien de fois devrais-je répéter encore, je ne suis pas pour les massacres. Je ne l'ai jamais été. Du reste, je n'ai vu ce jeune homme qu'en deux ou trois circonstances. Cette bagarre qui aurait eu lieu plus tard, je n'en ai pas été le témoin. Néanmoins, je réprouve, cela va de soi. Je puis seulement dire que ce n'est pas de ma faute. Outre le fait que son comportement, on ne peut hélas le dissimuler, avait pris de plus en plus, oh, disons le mot, quelque chose de typiquement juif, bien que ce jeune homme, après tout, pourquoi pas, ait été andorien comme vous et moi. Je n'entends nullement contester que nous ayons, pour ainsi dire, été victimes d'une certaine fascination de l'actualité. C'était, ne l'oublions point, une période agitée. Jamais, en ce qui me concerne, je n'ai participé à des sévices, ni incité les autres à s'y livrer. Il me sera permis, j'imagine, de souligner cela publiquement. Une bien tragique histoire, sans aucun doute. Ce n'est pas ma faute si les choses ont ainsi tourné. Je pense parler au nom de tous. Si je répète enfin pour conclure que le cours pris par les événements de ce temps-là, nous ne pouvons que le regretter. Les Kazakhs noirs ont occupé le pays. Avec décorum, fanfare, ils organisent une honteuse séance d'examen où toute la population défile pieds nus pour prouver la pureté de sa race. On examine les pieds. André est naturellement reconnu, arrêté et emmené. Il est exécuté. Surtout, ne nous affolons pas. Une fois le dépistage fini, tout restera comme avant. Aucun Andorien n'a rien à redouter. Nous en avons l'assurance, noir sur blanc. Maintenant, ils disent que c'en est pas un. Qu'est-ce qu'ils disent que c'en est pas un? Alors que ça se voit du premier coup d'œil. Qui est-ce qui dit cela? L'instituteur. Nous serons bientôt fixés. Pourquoi faire ces étoffes noires? Pour le dépistage des juifs. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? C'est lui. Qui ça, lui? Le dépisteur. Et s'il se trompe? Il ne se trompe jamais. Qu'est-ce qui se passerait? Voulez-vous donc qu'il se trompe? Une supposition. Il a le coup d'œil, vous pouvez lui faire confiance. Il voit ça rien qu'à la démarche. C'est pour ça qu'il vous enlève les chaussures. Il voit ça au pied. Il est dépisteur diplômé. Ouais. Les chaussures restent à leur place. Mais proprement, comme dans l'armée. Compris. Un soulier près de l'autre. Ça vient? Pourquoi vous n'avez pas votre étoffe sur la tête? Oui, mon fils. Qui? Oui, André. Il est là, vous inquiétez pas. Il nous a pas glissé entre les doigts et il va défiler pieds nus comme tout le monde. Vous entendez ce que je vous dis? En colonne couvrée. André est mon fils. On va être bientôt fixés. Et maintenant, l'un après l'autre, est-ce qu'il va falloir vous fouetter? L'un après l'autre. Doucement, doucement. Qu'est-ce que nos visiteurs vont penser de nous? Allons, pressons! En plus, c'est leur quartier libre. Au suivant! Mon nom est Prader. Pressons! Jamais. Il voit ça rien qu'à la démarche. Descends. Prends pas en avant. Cette fois-ci, ça y est. Trois pas en arrière. Maintenant, rit. Il voit ça rien qu'à la façon de rire. Rit. Ou bien on tire dessus. Plus fort que ça? Non. Si c'est pas là le rire d'un juif. Allez, retire ça, juif. Ça ne t'assure plus à rien. Contre ton visage? Ou bien on tire dessus? André? Je compte jusqu'à trois! Non. Une! Deux! Et trois! C'est mon fils. C'est mon fils. Restons pas ici. Qu'est-ce qu'elle veut encore, celle-là? Je veux dire la vérité! C'est ton fils, André? Non! Vous entendez bien? Mais c'est le fils de mon mari! Qu'elle le prouve! C'est la vérité! Et ce n'est pas non plus André qui a jeté le pavé, ça je le sais bien aussi. Il était à la maison quand c'est arrivé. Moi aussi j'étais à la maison. Et je le jure devant Dieu qu'il nous jugera tous. Elle ment. Lâchez-le. Silence. C'est mon fils. Et je ne veux pas qu'il meure. Où est bien cette bague? À boule. Non. Allez, à boule ça! Non, non, non, je vous en supplie! Sans quoi ils vont t'arracher le doigt? Non, non, non! Vous bien dans vos maisons. Vous ne savez rien. Vous n'avez rien vu. Rentrez chez vous. Regardez-vous dans vos miroirs. Bien dégoûté de vous-même. Jusqu'à vous cracher dessus. Au cours de la scène suivante, Malberine est en scène, à genoux, un pinceau à la main. Elle a les cheveux coupés ras. Autour d'elle, l'hôtelier et le curé. Il y a des souliers à terre. Ce sont ceux d'Andry. Je vous remets du blanc. Je remets du blanc partout. Barbeline. Est-ce que je n'ai pas le droit, monsieur l'abbé, de remettre du blanc sur la maison de mon père? Barbeline, tu délires. Je remets du blanc. Barbeline, ce n'est pas la maison de ton père. Je remets du blanc partout. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Voilà ses chaussures. Stop! Elle a perdu la raison. Je remets du blanc. Je remets du blanc. Vous avez beau ne pas voir ce que je vois, vous voyez bien que je remets du blanc. Du sang! Du sang, du sang. Arrête! Mais ce sont mes tables. Mes tables. Tes tables. Nos tables. Je veux qu'elle arrête. Je veux qu'elle arrête. Qui es-tu, toi? J'ai déjà tout essayé. Je remets du blanc. Je remets du blanc partout. Pour que nous ayons une Andorra toute blanche. Pas d'assassin. Une Andorra blanche comme neige. Je remets du blanc sur vous tous. Sur vous tous. Il est maintenant en civil, sans doute démobilisé après la guerre. Dites-lui de me laisser tranquille, monsieur l'abbé. Il a l'œil sur moi, monsieur l'abbé. Et moi, j'ai un fiancé. J'ai soif. Il ne me reconnaît pas. C'est là qui c'est. Barbeline. La poufia, c'est juif. Fous-moi le camp. Et toi, qui es-tu? Et ton tambour, qu'est-ce que tu en as fait? Ne ris pas. Et mon frère, où l'as-tu emmené? D'où venez-vous tous? Où allez-vous tous? Pourquoi ne rentrez-vous pas chez vous tous? Oui, tous. Pour vous pendre. Qu'est-ce qu'elle fait? Lui aussi. Elle n'a plus sa tête à elle. Mais la tombe. Je remets du blanc. Qu'est-ce que ça veut dire? Je remets du blanc partout. Vous n'avez pas vu le sang? Vous n'avez pas vu le sang? Et maintenant, ça suffit! Laissez-la tranquille. C'est un scandale public. C'est à elle de nous laisser tranquille. Moi, je l'avais bien prévenu. Je trouve que sa place est dans un asile. Son père s'est pendu dans la salle de classe. Elle veut retrouver son père. Elle veut retrouver ses cheveux. Elle veut retrouver son frère. Barbeline, me reconnais-tu quand je te parle? Je suis venu pour te ramener à la maison. Je remets du plat. Je suis le père Bénédicte. Je suis le père Bénédicte. Où étais-tu, père Bénédicte, quand ils sont venus chercher mon frère, comme une bête pour l'abattoir? Une bête pour l'abattoir. Dis, où étais-tu? Maintenant, tu es tout noir, père Bénédicte. Papa est mort. Je le sais bien, Marbeline. Et mes cheveux? Je dis chaque jour ma prière pour André. Et mes cheveux? Ils repousseront tes cheveux, Marbeline. Comme l'herbe sur un cimetière. Marbeline! Marbeline! Voilà ses chaussures. Il ne faut pas que vous y touchiez. Quand il reviendra, ses chaussures seront là. Première devant vous ce soir est de Max Frisch, adapté par Armand Jacob. Les décors et les costumes d'André Accard. La musique de scène est de Joseph Cosma. Et la mise en scène de Gabriel Garin. C'était Andorra de Max Frisch, mise en scène par Gabriel Garin au Théâtre de la Commune à Aubervilliers. Une émission diffusée la première fois le 24 janvier 1965 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.